C'est votre série, Seven Island College. Ouais, fiston, tu peux venir une seconde? Y'a un problème, pas. Tu sais ce que je tiens entre mes mains? C'est une bière? Non, dans la main gauche. Ah, mon bulletin de notes. Et il est plutôt léger ce mois-ci, hein. J'ai eu quelques petits accidents. À ce point-là, c'est des carambolages répétés. 3 en anglais, 5 en lettres, 4 en sport. Et c'est pas les numéros du loto. Mais en sport, on fait de la gymnastique rythmique en collant rose, c'est pas un truc d'homme, ça. Passons, mais 2,5 en maths, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que j'ai écrit mon nom correctement et que le reste, je suis passé au travers. Ouais, écoute, c'est bien de vouloir ressembler à ton père. Ouais. Mais si tu veux pas finir à étaler du chocolat sur des biscuits, je te conseille de bosser pour devenir... je sais pas, moi, juré, cosmonaute, enfin des trucs qui rapportent, quoi. Écoute-moi bien, si au prochain contrôle t'as pas ta moyenne, je te supprime les magazines de gros ploplos dans les toilettes. Oh non, ça m'aide. Ça suffit, Rod, tu dois écouter ton père. File dans ton chambre, je veux plus te voir. Allô? C'est moi, Rod. Ça va pas? Faut que je me dépasse à la prochaine interro de maths, sinon mon père va péter les plombs. Il te reste plus que 7 nuits pour réviser. On a interro demain! D'où tu tiens ça? De la prof! Interro oral! Oh, c'est pas vrai! Il te reste plus que quelques heures pour être au point en géométrie. Mais ce soir, c'est la retransmission du championnat de catch féminin dans la boue! Et c'est une géométrie autrement plus intéressante. Ah, je vois. Si ça peut t'aider, j'ai entendu parler d'une méthode de révision qui pourrait être très utile. Laquelle? Sleep and learn. Comment ça marche? T'enregistres sur un magnéto tes cours et tu se les passes pendant ton sommeil. Le matin, tu connais tout ton cours. Ouais, ça a l'air bien, merci Barrett! Juliette, file-moi tes cassettes. Non, pas celle-là. C'est des cours de philo tibétaine. Je te les rendrai. Point final. Ouf, voilà, j'ai fini. J'ai tout enregistré, j'ai plus qu'à dormir et me passer mes cours. C'est parti. La géométrie des triangles. Le triangle rectangle est à angle droit. Le triangle isocèle est un triangle isocèle et il sent bon des aisselles. Les perpendiculaires sont souvent perpendiculaires à d'autres triangles. L'isocèle est symétrique. Un triangle à trois côtés. Les moines tibétains peuvent s'élever pendant des heures sur les collines de Shiva. Ils trouvent la sécurité dans la concentration spirituelle. Les moines de Samarcande sont ceux qui ont la plus grande concentration. La géométrie des triangles. Le triangle rectangle est à angle droit. Ce jeune moine est en train de méditer. Ses pieds ne touchent plus le sol, car il est au-delà de la concentration. C'est ta maman, Rod. Réveille-toi, il est temps d'aller en cours. Les cours? Ah ben oui, il faut que j'y aille. Alors, Rod, bien révisé? Ouais, enfin sur la face B, ma sœur avait laissé des cours de relaxation tibétaine. Ça devrait le faire. C'est à toi, bon courage. Bonjour monsieur Preston. Asseyez-vous. Pouvez-vous me parler du triangle rectangle? C'est un triangle d'une très grande spiritualité. Son angle droit incisif lui confère l'énergie d'un moine tibétain en pleine concentration. Intéressant. Pouvez-vous me parler maintenant du théorème de Pythagore? Pythagore était l'ami de Bouddha. Il a découvert dans l'hypoténuse des chakras qui conduisent à la méditation d'une puissance. C'est de la poésie que vous me faites là, monsieur Preston. Votre approche des maths est tout à fait surprenante. Je vous mets 15,5. Bravo, monsieur Preston, bravo. Alors? Je me suis totalement illuminé aux maths. Et c'est grâce à toi. Merci, Barrett. Charge de revanche. Quelques jours plus tard, au milieu du week-end. Salut Barrett, ça va? Bonjour monsieur Preston, je viens voir Rod pour regarder la finale de Miss Pom Pom Girl. Rod, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a pas? Me dis pas que toi et ton copain vous allez passer votre dimanche devant la télé. Ah si? Est-ce que vous savez ce que font les vrais cow-boys américains le dimanche? Non. Non. Bah ils vont à la pêche. Alors prenez vos affaires, je vous emmène taquiner la truite. Juliette, tu viens avec nous? Non papa, aujourd'hui je fais un acte révolutionnaire. Je finis mon puzzle représentant de Che Guevara. Ouais, bon courage alors, hein. Nous, on prend le large. Harvey, tu rentres avant le dîner, s'il te plaît. Tu sais, chérie, comme dit Clint Eastwood, quand le cow-boy part en selle, il ne sait ni où, ni quand il reviendra. Avant que le clafoutis refroidisse. Sans problème. Allez, en route, les gars. Tu nous emmènes où, pas? Dans le parc du Yellowstone. C'est un peu notre forêt de brosséliande à nous. Dis donc, Barrett, t'as déjà pêché avec des vers? Non, seulement avec des lunettes. Les vers de contact, ça mérite les yeux. Irrité ou pas, pour pêcher le poisson, faut se mettre à la place de l'animal. sentir le poisson. C'est pour ça que maman dit que ça pue le poisson à la maison. C'est mes chaussettes, Rod. Moi, je te parle d'instinct du pêcheur, savoir ferrer la bête. Et c'est tout un art. On est arrivé, les gars. C'est pas beau, tout ça? C'est superbe. Et les enfants, à votre avis, quel est l'outil indispensable du pêcheur? Une canne à pêche. Faux, Rod. T'es un petit nul, toi. Une canette pour se désaltérer. Parce que rester concentré des heures sous le soleil, ça assèche le gosier. Et c'est pas des conditions pour un pêcheur. Tenez, deux panachés pour vous et pour moi, une météore. C'est plus fort. Merci. Ensuite, on lance l'hameçon. Et on reste concentré sur le bouchon pour attendre qu'il coule. Et ça peut durer très longtemps. Très très longtemps. Hey, ton père, il s'est endormi. Ouais, c'est sa façon à lui de rester concentré. Il nous a amené dans un endroit bizarre quand même. Hein. Ouais. Mais dis donc, t'as pas entendu quelque chose? Si, on aurait dit des cris d'un gros chat. Oh, c'est des panthères. Papa, réveille-toi, on a entendu des panthères. Écoute-moi bien, Rod. Est-ce que quelques panthères ont déjà arrêté la quête des cow-boys de l'Ouest? Non. Alors reste concentré sur le bouchon. Il craint un peu ton vieux quand même. Il a peut-être raison, il y a peut-être aucun danger. Qu'est-ce que c'est? Des craquements comme un gros animal qui marche. Ah! Papa, il y a un ours! Un ours? Rod, est-ce que quelques ours ont déjà arrêté la quête des cow-boys de l'Ouest? On fonce! À la voiture, vite! J'aurais pu le tuer, vous savez, mais j'avais pas mon couteau suisse. C'est les choses qui arrivent. Sinon, je l'aurais charcuté. Je me serais fait un bon steak d'ours ce soir. En tout cas, il y a une chose qui ne vont pas arrêter les cow-boys de l'Ouest. Quoi? La finale de Miss Pom-Pom Girl. Wouh!